بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسألكم عن كلمة، ما معنى مينا؟ وما هو الجمع؟ مواني. عاصمة، كابيتال. أشكال، فرق. أحجام، أحجام سي لا تايل. نعم، ما هو المفرد؟ أحجام الأحجام، ما هو المفرد؟ ذكرنا نحن ولدي نسيت عندك حجم. نعم، حجم. حجم بضائع، لي برودوي، لي مارشانديز. ما هو المفرد؟ بدع. نعم، بدع. بدع ضخمة، ضخمة، ضخمة، ضخمة. نفط، البترول. وجدته إذا النفط الفتح القابوس، وجدته قال نفط. الحمد لله، يديكم الله مصلح بالكم. ناقلة، ناقلة، ترانسبورت. سفينة، باتو. ما هو الجمع؟ سفن. ممتعة، أجاب. أيضا مختلف، ديفيرون. حمل يحمل، ترانسبورتي. نظر ينظر، regardez, observez. إقامة، résident. طيب، كان اليوم افتح الكتب. الثاني هكذا، يعني هذا أكبر من هذا. نعم، ثالث. ما في ثاني قبل؟ نعم، ثاني في الفصل؟ في الدرس. طيب، ثالث. نعم، الجملة الأولى. الباب أكبر من النافذة. نعم، تحت. هو رجل، رجل ثاني à côté, en bas ou à côté, en deux. Alma Cardo Asra Rominal Kursi. Parole Alma Cardo. Alma Cardo, ça c'est un séjour. Séjour? Moi j'ai trouvé ça dans Europe de Mille. Alma Cardo, c'est un siège. C'est un louche, t'as fait. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, dans Europe de Mille, j'ai écrit séjour. Le cadre est condo qui veut dire s'asseoir aussi. Adorjo Anzafu Minas Saboura. Non. Maman Saboura. Le tableau. Non. Rabian. Amal Arabou Amaradou Minan Makhlaba. Non. Khamisan. الكتابة أصعب من القراءة. أيوه. أي القراءة أسهل من الكتابة. طيب أصل كله. الخطبة الخامس هكذا. أكمل كلمة النموذج يعني. عليكم أن تملئوا الفراغات وبعدهم. أولا هذا المنزل من أبعاد المنازل. نعم. هذا المجلس من أمتع المجالس. هذا الملعب من أصغر الملاعب. نعم. هذا المكتب من أوسع المكاتب. هذا المسكن من أفضل المساكن. هذا المعهد من أقدم المعاهد. هذا المطعم من أقرب المطاعم. طيب. الآن عليكم أن تأتوا بصيغة التعجب. يفهمني عليك لفهم الإسلام. طيب الجملة الأولى. ما أكبر هذه الناقلة؟ نعم. ثانيا. ما أصغر هذا الميناء. ما أمتع هذه الرحلة؟ ما أنظف على المجلس؟ ما أثقل هذه الحقيبة؟ ما أجمل هذا المكان؟ ما أوسع هذه المسافة؟ أسرع هذه الدراجة. هذه الدراجة. نعم. طيب. هذا مفهوم. ثامنا. الجملة الأولى. ثقف السفن. تقف السفن في الميناء وهي مختلفة. وهي مختلفة الأشكال وأحجام. والأحجام. نعم صحيح. بعض السفن تحمل مفتة. نعم. وبعضها تحمل بضايا. نعم. ثالثا. هذه ناقلة تنقل نجم نفط إلى ركاب. Oui, parce qu'en fait, dans la phrase d'avant, on pouvait mettre au lift ou au rocade. Il faut en mettre au rocade, mais à la base, c'était pas faux. Mais là, ouais, là, t'es obligé de mettre. Hazi naqilatun tanqulun lift yalaha min naqilatin. Sakhna, dakhna. Tanqulu, c'est quoi? Transporter, quoi. Naqila, c'est une faille, on sait, c'est un cargo qui transporte. Ouais, mais le tankilo, on n'a pas vu ça. Si. On a vu Habala, on a vu. On a pas vu. Ouais, je crois pas qu'il était Naqal. Non, mais dans le texte, il y est, je crois. C'est pour ça qu'on y a un nouveau mot, vous ne connaissez pas, vous cherchez. Mmh. On va bien. C'est un verbe, il faut connaître, bien sûr. Il faut connaître l'origine et tout, parce que c'est conjugué, il n'y a pas. Moi, je ne l'ai pas dans mon dictionnaire, je crois. Comme ça. As-Safaru, Bissafinati, Yakoudou, Wabten, Tawilan, Walakinahu. J'ai pas compris Walakinahu. En fait, c'est Walakinahu, ça veut dire. C'est Walakin. Non. Et puis il revient à quoi là, le où là à, au voyage Non, au voyage. Je ne veux pas qu'on pouvait mettre un voyage sur Walakin. يعنوان وسائل السفر وسائل وسائل c'est le genre de وسيلة on a dit c'est quoi وسيلة moyen donc il y a un voyage un transport la كلمه جديدة إنسان إنسان معروف سلام لما T'es sûr de moi ? Je ne vois pas d'Alif. Si, Alif. Insan. Akadamun, c'est le djem de Qadam, c'est-à-dire pied. Akadamun, c'est le djem Qadam, qui veut dire pied. Akadamun. Non. Zuhurun, le djem de Zah qui veut dire le dos. Zuhurun, le djem de Zah qui veut dire le dos. Hayouanat, le djem Hayouan qui veut dire animaux. Hayouan c'est animal, Hayouanat c'est animaux. حيوانات حيوان حيوانات هي كفن والله بديانة ها جوابات ما مصدوم سانيا تعبا في لا فتيك في مزال تعبا تعبا تحبو تعبا نعم وجدت لسيك تكون تعب Je ne connais pas Ta'ab. C'est le premier mot qu'on entend à ta bouche. Je ne connaissais pas qu'il n'y a pas Ta'ab. Je connaissais qu'il faut qu'on ne soit rien. Ta'ab. Je ne sais pas Ta'ab. Je ne sais pas si c'est une erreur. Il n'y a pas. Ta'ab, c'est pas malade. Non, c'est une fatigue. Ça peut être aussi malade, mais c'est la fatigue en général. Hadir. Là, ce qui évolue, c'est. Le présent, le temps actuel. À la base, c'est le ism fa'il de hadar yahduru, qui veut dire venir se présenter. Mais la sens voulu, le waqt al hadir, c'est le temps présent. Être présent, en fait, non c'est pas être présent. Là, dans le texte, c'est le temps présent. Comment ça va venir? Taqaddama wa taqaddamu. À la base, c'est s'avancer, mais dans le texte, il veut dire quoi ? Évoluer. C'est un autre, c'est faire avancer. Akhaza ya'khudhu, ça veut dire prendre. Et là, entre parenthèses, ils ont mis Istaraka. Et en fait, là, le mot prendre, Akhadha Ya'khudhu, c'est pas comme le fait de saisir. C'est le fait de contenir. Et ça n'a pas dans le texte, Inch'Allah. Bien qu'en français, le mot prendre, là, il vient pareil. On peut l'utiliser pareil. Bariya, c'est terrestre. Bariya, c'est terrestre. Il y a un verset où il y a ce. Oulaïka Moucharou Bariya. Même. Que le surat al-Bayyina. Bahriya, c'est maritime. Bahriya. Qui veut dire au Bahra. C'est maritime. Raha, à côté c'est Raha, c'est au fort, au repos. Raha, c'est quoi ça? Il y a quoi là à la fin? Il y a un thème à l'autre. Raha tout le monde. C'est quoi ça? C'est quoi? Confort, au repos. Ah. Mouta, il y a plaisir ou chose agréable. Ça vient de Moutia, vous l'avez pris. Non, il y a Moutia, réjouissante, plaisante. Mouta, c'est la même origine. Mais il y a une différence entre les deux. Il y en a, c'est un sinophérique, il y en a, c'est un mazdor, il y en a, c'est ça, mais là-bas, c'est la même origine de vous. Wasa'il, on a déjà dit, c'est djem de wasila qui veut dire moyen. Balad, marlouf, pays, terre, contrée, région même. Ouais. Ragib, marlouf, passager. Qasir, marlouf, dire court. Et la kana yakounu, kana yakounu, adafia, c'est l'âme être. Kana c'est été, Yakuzu c'est être. Il est. Kana Yakuzu. Ça c'est être, Kana. Oui. Yakuzu c'est quoi? J'ai été. C'est Moudoralia. Ah, je suis. Moudoralia de Kana. Et maintenant, ça colle dans ce lieu, la coule, Inch'Allah. Aïe, la coule. Kana, el insanu, qadiman, yusafiru, min baladin, ila baladin, machien, ala l'akdam, awrakiban, ala zuhur el haywanat. Donc là, comme le kana au début du phrase, ça l'amène au passé. Ça se dirait pas, auparavant. Auparavant. Donc auparavant, l'homme, vous voyez, ce qu'il appelle Kandiman. Kandiman, ça veut dire anciennement, dans le temps. Voyager de pays en pays, Bidbeled, il est Beled, de pays vers mon pays, on dirait de pays en pays. Machien, Alan Akdam. Machien, c'est en marchant. Et Machien, Alan Akdam, en marchant sur ses pieds. Machien à l'abdam, c'est-à-dire en marchant sur ses pieds. Awrakiban ala zuhur el haywanat. Awrakiban m'a dit quoi? C'est celui qui monte. Donc, ou sur le dos des animaux. On n'est pas petit passager? Tu n'es pas passager, c'est un animal. Là, c'est dans l'avion, tu es passager. Ouais. C'est un cheval, tu n'es pas passager. Ouais. Non. وكانت رحلة تأخذ وقتا طويلا. Donc, كانت, c'est comme كانت. Donc là, ça revient à féminin. Donc, les voyages leur prenaient un long temps. Et on ne va pas dire était, elle prenait longtemps. On a compris que lorsque Kana est dans une phrase, il la ramène au passé. Donc le mot, il ne faut pas le traduire au mot pour mot. Là, le sens voulu, quand on met Kana, c'est ça ramène la phrase au passé. Pas seulement le verbe, mais toute la phrase, ça ramène au passé. Donc là, ça veut dire quoi? Que les voyages leur prenaient, vous voyez, leur prenaient à longtemps. وَيَجِدُ الْإِنسَانُ فِيهَا تَعْبًا كَثِيرًا. Et l'homme, il trouvait une grande fatigue. Il allait dans ses voyages. Parce qu'il était ou marché à pied ou sur les animaux. Donc c'était fatigant. Le Messalem, quand elle est, elle s'appelle Kitatoum de la Hazav. Que le voyage, c'est une parcelle de châtiment. Parce que c'est fatigant. C'est pas facile. أَمَّا فِي الْوَقْتِ الْحَادِيرِ. Mais quant au temps moderne, actuellement, on va dire, et puis le waqt al-hadir, le temps présent, faqad taqaddamat wasayl al-safar, que les moyens de voyage ont évolué. Faqad taqaddamat, là vous ne prenez pas trop la tête à vouloir traduire au mot faqad, parce qu'à la base, quand serait déjà. Vous voyez, c'est ce qu'on dit, que les moyens de voyage ont déjà évolué. C'est comme ça qu'on traduit qad. Souvent ça vient pour déjà. Et des fois il peut venir par l'autre sens. On ne peut pas l'utiliser tout seul comme ça, quand on pose là. Une question, tu dis pas. Il faut obligé de venir avec. En plus, c'est en verre. Tu n'es pas quoi tout seul. Avec un verre bombardé, je pense. Au fur et à mesure. فهناك وسائل برية كالسيارات والقطار. Donc, هناك. C'est-à-dire que désormais on peut trouver. À la base, Hunaka, c'est là-bas, on avait des voix. Huna, Mana Yujen, il y a. On a dit que Huna, ça peut dire Mana Yujen, il y a. Et là, comme il parle de l'époque actuelle, on dira, il y a actuellement, cette époque, tu vois. Wasa'il Barriya, des moyens de transport terrestre, comme les voitures et les trains. Kaseyarat ou Al-Kitarat. Kitarat, c'est le genre de Kitar. وسائل بحرية كالسفن et des moyens maritimes comme les bateaux. وسائل جوية كالطائرات des moyens aériens comme les avions. وأصبحت الرحلة تأخذ وقتا قصيرا. أصبح c'est un verbe qui veut dire devenir. Il y a deux sens là, c'est le sens devenir. Donc, Asbahat et Rihla, donc c'est-à-dire les voyages, actuellement, toi tu ne peux pas dire en français, sont devenus à prendre peu de temps. Donc, on va dire directement, ne prennent plus trop de temps maintenant. Mais si toi, par exemple, Asbahatou, par exemple, musulman, je suis devenu musulman. Moi, je ne comprends pas, là. Pourquoi il devient, qu'est-ce qu'il vient faire ici, là, c'est un truc que tu vas en sortir plus tard. Je t'ai dit, alors qu'il est, si tu as compris le fond de la phrase, mouvement, t'arrêtes pas au mot à mot, tu pourras pas. Tu vois, les assemblages de verbes comme ça, après, c'est toute la phrase entière qui prend un sens. Si tu t'arrêtes au mot pour mot, tu vas rien comprendre. Ah, c'est là, et ça, faut pas le faire. Je l'ai dit, faut pas le faire. Faut pas s'arrêter au mot pour mot. Si tu as compris le sens de la phrase, de façon générale, Inch'Allah, Abdullah Khaïm. Et après, au fur et à mesure, ça va venir avec le temps. C'est pas en deux mois. Tu vas pouvoir servir ces phrases-là. Ça veut dire avec le temps, écouter. Comme toutes les langues. C'est-à-dire, faut pas l'attestager. Ça va bien, Inch'Allah. Mais toi, par exemple, si tu dis Asbaha tout seul, tu sais ce qu'il veut dire. Mais moi, je suis la phrase entièrement tout seul, même si moi, dans la phrase, j'enlève le verbe, la phrase, tu sais ce qu'elle veut dire. C'est ça l'aham, c'est ça le plus important. Asbaha, c'est devenir. L'aham. Ce maqal, voyagidu insanu fiha. Mut'atan wa riha, raha. Et l'homme, il trouve dans ses voyages du plaisir et du confort. Par les bateaux, par les avions et par les trains. Oui, mais il y a toujours une part de hasard quand même dans le. C'est toujours fatigant le voyage. Quand tu vas dans le voyage, c'est toujours fatigué. C'est vrai que les moyens actuels ne sont pas comme ceux d'avant. Par exemple, le Hajj actuellement. Le voyage, il est facile. Avant, les gens partaient de leur pays depuis des marchés des mois entiers. La Hijra, par exemple, aujourd'hui, on l'a fait en avion, les Sahaba, ils l'ont fait en marchant. 10 jours dans le désert. c'est pas la même, c'est pas la même, même façon de faire. Moi aussi. Aujourd'hui, on te dit faire voyage en voiture et faire voyage en chameau, mmh. ça va pas être pareil. Mmh. Ouais. En plus, avec ça, on a du mal à faire les gens. C'est un peu. Bah, faut maintenant, t'as le démon en gros, même. Mmh. Je vous ai dit, ne vous arrêtez pas au mot pour un mot. C'est de langue arabe. Ce qu'il faut, c'est réussir à cerner le sens de la phrase qui évolue. Et après, Inch'Allah, vous arriverez à bien cerner de vous-même. Quand on met Kaina, comment la phrase devient. Quand on met Asbaha au début de phrase, qu'est-ce qu'elle veut, comment les tournures qu'elle apporte. Des fois, Kaina, c'est vraiment été. Là, on ne peut pas dire c'est l'être humain était avant voyager de pays en pays. Ça ne se dit pas. Donc, tu obéis à faire la phrase de façon correcte. Donc, c'est l'être humain auparavant, vous voyez, voyager de pays en pays. Après, ça ne marche pas tout dans la phrase. Là encore, ça va, c'est écrit, t'as le temps de réfléchir, mais quand on te parle, si on dit un truc comme ça, franchement, c'est. Ça va venir. C'est pas pareil. C'est comme la lecture, c'est comme le reste, il faut écouter. Une cassette, tout ça, ça va venir. Au début, c'est en lisant. Tu commences par la lecture, ça c'est sûr. Awalen, Yakoul Ajib al-Asilatil Atiya. Y'a trois questions suivantes. Et celle-là, ça va être pour. L'iradifane. Et là, il faut vraiment respecter du texte, comment ils ont formulé les phrases pour écrire. Yaqul kayfa kana al-insan yusafiru qadiman. Comment est-ce que l'humain voyageait auparavant? Regardez bien la question, comment elle est faite, et la réponse est dans le texte. Il faut juste analyser et se concentrer. Thaniyan, limadha kanat ar-rihlatu ta'khudhu waqtan tawila. Pourquoi est-ce que les voyages prenaient beaucoup de temps, un long temps? J'ai une question. C'est au singulier ou pluriel? Singulier, mais l'ikhla c'est un mot féminin. Ouais. Donc l'ikhla on habite tête à Anis, comme Zahabat et Jalassat. Justement, mais donc c'est le voyage en fait. Pourquoi le voyage prend beaucoup de temps? Prenez beaucoup de temps. Ah, prenez beaucoup de temps. Parce que là, si tu vois Ta'khouz, il est au Moudalia, là, c'est Kana qui prend le dessus. Ouais. Donc, il ramène toute la phrase au passé. Ouais. Il est toujours avant tous les verbes et tout, Des fois, il peut être tout seul. Des fois, il peut ne même pas être là, et des fois, il est là. Ça dépend de ta phrase. En fait, quand tu dis qu'un, c'est comme les différents passés qu'il y a en langue française. Si je te dis fa'altu kaza, c'est-à-dire quoi? J'ai fait ça. Comment tu vas dire je faisais cela? Kuntu afalu kaza. Ça change la forme du passé. Tu veux kana et après tu veux notre verbe. Ça change le passé. Il y a une différence entre je faisais et j'ai fait. Je faisais, c'est juste que tu veux dire continuellement, et j'ai fait, c'est ce que tu as fait qu'une fois. Là, c'est pareil. Kana, il t'appelle à ça. Ou Asbaha, ou tous les verbes qui ressemblent, tu les verras dans le jeu Rumiya, ils appellent à ça. Ça amène une habitude, quoi, en fait. Thalithan, Uzkur, Wasilatan, min Wasail al-Safar al-Barriya, ou Wasilatan, min Wasail al-Bahariya. Donc, il dit cite. Un moyen de transport parmi les transports terrestres et un moyen parmi les transports maritimes. Uzkur, c'est le Amr, ça? Non. De quel Zakara Yaskuru. Zakara Yaskuru. Ah. Là, il veut dire citer, ça veut dire rappeler aussi. Uzkurillah. Rappelle Allah, rappelle-toi d'Allah. Mais là, il veut dire quoi? Citer. Rappelle une chose. Uzkur. C'est Zakara. ثانيا سين كل كلمة من كلمات المجموعة كلمات المجموعة ألف بعكسها من كلمات المجموعة باء كما في النموذج. Donc lit entre les mots de la colonne ألف avec leur contraire, leur opposé des mots dans la colonne باء comme dans l'exemple. Donc تعب c'est la fatigue. تقدم c'est évoluer ou aller de l'avant. Sarir, petit. El-Hadir, actuellement, le présent. El-Safar, voyage, donc le déplacement. Sahloun, facile. Majmoua ba, al-Mardi, c'est le passé. Al-Iqama, c'est la résidence, le séjour. Sa'ab, ça veut dire difficile. Ta'akhara, c'est être en retard ou être retardé. C'est pas reculé dans ce sens. Aussi. Alors en arrière quoi. Mais quand tu fais les ronds dans le sauf, là, tu leur dis ça, tu veux plus tard. Allez, ouais. Et Karkara aussi, non? Hein? Karkara. C'est marcher en arrière. C'est difficile. Hein? Raha? Non, c'est j'ai appris dans le sauf, ça. Raha, c'est le repos. Raha? On l'a appris dans le. Ouais. Et Kabir, grand. Hein? Non, plus de bête. طيب ثالثا يقول حات مفرد كل كلمة من كلمات آتية. Donc donne le singulier de tous les mufrad. ظهور. Maintenant, hein? في البيت أو كله في البيت. Il dessine le cours. Je vais tout à la maison. De toute façon, je vais donner les singuliers au début. Aqdan, Hayouanat, Rukab, Wasail, Bilad. Donc, ces six mots, vous les retrouvez dans le Quran. Taïb, Rabi'an, Ajib, Asilatil Atiya. Awalen, Ma, Wasailu Safari fi Benadika. Quels sont les moyens de voyage dans ton pays? ثانيا أيهما تفضل السفر أو الإقامة ولماذا؟ Donc lequel des deux préfères-tu entre le voyage et la résidence et pourquoi? Et est-ce que tu préfères voyager ou est-ce que tu préfères rester sur place? ثالثا أيهما أكثر متعة السفر بالسفينة أو بالطائرة ولماذا؟ Donc il dit quel est le plus qui est le plus plaisant, le plus agréable, le voyage en bateau ou en avion et pourquoi? Vas-y, jette l'avion, jette le bateau. Ou bien Badel et Safina, tu dis Seyara, et la place d'Ayara, tu dis le vélo. Tu n'as pas de petit temps en vélo, Inch'Allah. Et ni en voiture quand tu es tout seul avec ta famille, au départ. Un mal, sa fille, un mal, tous les deux. Ouais, ça dépend où tu roules. Comment ça, ça dépend où tu roules? Ça dépend du secteur où tu roules, t'as des secteurs dans ta voiture, tu vois des choses. Ouais, mais ça, de toute façon, t'as pas le choix. Hein. Ouais. Je regarde devant toi, mon frère. C'est-à-dire que tu vas avoir des frics. Ouais, c'est où t'as la campagne, des lieux où il n'y a personne. Ou des heures où il n'y a pas grand monde. Abdul. Donc, on place sa fille par la voiture et Tahira par le vélo. Et Walimada, tu dis pourquoi? On coule le nos sabé fait courant satique, c'est-à-dire en fait recopie. Là, du coup, c'est faire déplacer, mais ça ne dit pas. Donc, tu ne veux dire pas comprendre de remettre, de réécrire le texte sur mon cahier. Et ça, je ne vérifie pas ce travail, c'est à vous de le faire de vous-même. Vous êtes des grands garçons, alhamdoulilah. Celui qui ne fait pas, ben, c'est lui qui a lui-même. Dommage. Ouais, il perd de l'écriture de lecture. Moi, je dis même que c'est parfois, tu vois, mais je dis même que ça, c'est même pas suffisant. Ça. Ouais. Quand je dis ça, c'est un truc que je ne vais pas être derrière vous. Hein? À vous de faire, c'est même pas suffisant. Ouais, c'est minimum, tu vois. Mafou, madame? Mafou, madame? Mafou, madame? Mafou, madame? Mafou, madame? Mafou, madame? Mafou, madame? Mafou, madame? Mafou, madame? Mafou, madame? Mafou, madame? Mafou, madame? Mafou, madame? Mafou, madame?